Normalement, quand je fais une conférence, la première fois quelque part, les haut-parleurs s'amusent. Alors, si s'il y a trop de réverbération ou si c'est, etc., ben, vous le direz, puis on... essaiera de s'arranger. Bon, je vais juste présenter un peu ce que je fais comme travail, de façon à ce que vous ne soyez pas trop surpris au cours de la soirée. Le sujet de la conférence, c'est comme tel, aimer d'un amour intelligent ou aimer d'un amour sans souffrance. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque les humains, lorsque l'homme, lorsque la femme va voir un médecin, un dentiste, par exemple, elle ne veut pas se faire dire qu'elle a des belles dents. Elle va voir si elle a des mauvaises dents. Lorsqu'on rencontre un médecin et que le médecin dit, ben, vous avez un problème à l'estomac. Le patient ne dit jamais, puis vous, votre estomac, je sais pas, c'est correct. Mais quand on s'adresse psychologiquement, émotivement, lorsqu'on parle d'une façon plus abstraite de l'homme, c'est souvent ce qui va arriver. Si on dit à quelqu'un, toi, t'as un défaut, c'est que tu fais ceci, cela. Automatiquement, l'autre répond, puis toi, je suppose, t'es parfait. C'est drôle qu'au niveau physique, on le fasse pas, mais qu'au niveau psychologique, on le fasse. On me reproche souvent de ne pas flatter suffisamment les égos. Le travail que je fais est un travail sérieux, parce que je considère que l'évolution des humains est une chose sérieuse. J'ai ma raison de faire le travail, vous avez votre raison de faire le vôtre. Alors donc, on va faire une conférence qui est peut-être un peu directe, mais si on prend la peine d'observer un peu ce qui se passe, ben c'est sans doute direct, mais réel. On parle donc d'amour. C'est un phénomène intéressant parce que chaque fois que je fais une conférence où je mets le mot amour et souffrance, les gens se déplacent. Même si ce n'est pas nécessairement un sujet intéressant à jaser. J'ai constaté que dans certaines régions de la province, si je mettais le mot réincarnation, les gens se déplaçaient. Si je mettais le mot évolution intelligente, les gens venaient pas. Si on met souffrance, ça se déplace. Si on met pas souffrance, ça se déplace moins. Alors, on a donc fait un titre qui peut lancer convenablement un conférencier dans une région nouvelle. Un titre qui porte deux mots magiques, amour, souffrance. Et là, les gens se déplacent. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Est-ce que ça veut dire que l'amour et la souffrance, ça regarde plus la femme que l'homme? Il faudrait peut-être, mesdames et mademoiselles, que vous brassiez un peu vos camarades à un moment donné. Parce que partout dans la province, lorsque la femme a commencé à se libérer, elle est partie peut-être d'un niveau plus bas que l'homme au niveau de son émancipation. Hein? Si elle serait partie du même niveau, elle n'aurait pas voulu se libérer. Et l'homme, ayant son statut sécure, ben pendant que la femme commençait à s'instruire, pendant que la femme suivait des cours de relations humaines, pendant que la femme suivait des cours de ceci et de cela, ben l'homme, il restait là, le regardait faire, puis il riait. À un moment donné, la femme va finir par traîner l'homme, parce que si l'homme, il se branche pas, ben la femme, elle s'instruit pendant ce temps-là. L'amour, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la simple raison que, de plusieurs façons, c'est l'une des rares lois qui existe réellement à l'échelle naturelle de notre planète, et même de ce qui existe. On pourrait dire de l'univers ou de la galaxie, pour pas aller trop loin. Sauf qu'il y a un phénomène intéressant. On parle d'évolution. Moi, je parle d'évolution améliorative pour... ce n'est pas nécessairement une évolution spirituelle. Une personne peut spiritualiser son évolution si elle veut, ça va. Mais l'évolution doit être quelque chose qui sert immédiatement. Et non pas quelque chose qui va servir on ne sait trop quand. C'est bien de travailler pour préparer sa vieillesse. Sa vieillesse, ça peut être l'autre monde, ça peut être sa réincarnation, dépendant des idéologies. Mais il faut aussi s'organiser pour vivre un peu le temps qu'on passe dans notre corps sur la Terre. Ça l'aide. L'être humain veut évoluer parce qu'il fuit la souffrance. L'être humain veut évoluer parce qu'il est écœuré. Lorsqu'un humain va s'occuper de ses dents, c'est parce que ses dents sont cariées et le font souffrir. Si ses dents seraient cariées sans le faire souffrir, il ne s'occuperait sans doute pas de ses dents. Lorsqu'un être humain veut se changer, c'est parce qu'il souffre. Lorsqu'un être humain va voir le médecin, c'est parce qu'il ne peut plus endurer sa souffrance. Mais si l'être humain n'aurait pas de brûlement à l'estomac, il ferait jamais attention à ce qui marche. L'humain veut évoluer parce qu'il souffre. L'humain recherche quoi dans son évolution? Un paradis? Une paix totale? Une paix intérieure? Un monde de paix? Un nirvana? Il recherche quelque chose où il n'y aura pas souffrance. Mais en même temps, l'être humain essaie continuellement d'énergiser quelque chose qui porte le nom d'amour. Et lorsqu'on regarde un adolescent qui rentre à la maison et qui parle pas à personne, on dit « Ah, il y a ses premières peines d'amour. » On sait que lorsque l'on parle d'amour, on va parler de souffrance. Alors l'humain, dans son évolution, recherche l'amour et dans son évolution, fuit la souffrance. Et continuellement, lorsqu'il trouve l'amour, il trouve aussi la souffrance. Certains vont dire « Non, c'est pas vrai. Moi, je j'aime depuis 15 ans et je souffre pas. » Si c'est un homme, alors lorsque sa femme décide de sortir un soir sans le bonhomme, est-ce qu'il souffre pas? Si la femme a décidé de changer son travail à la maison, le bonhomme, il souffre pas. Si la femme sort avec un autre, il souffre pas. Et vice-versa pour la femme par rapport à l'homme. Alors souvent, on va dire, oui, ben on ne souffre pas de l'amour, mais c'est parce qu'on est orgueilleux en sacrableux. Mais on n'est pas seulement orgueilleux, on est aussi manipulé. C'est-à-dire qu'on s'est fait instruire que l'amour, c'était beau. L'humain passe son temps à chercher l'amour, puis l'humain passe son temps à souffrir en recherchant l'amour. L'humain a appris, imaginez-vous bien une chose, c'est qu'on instruit les enfants que l'amour, c'est beau. Est-ce que fondamentalement, l'humain découvre tout seul que l'amour, c'est beau, ou bien si l'on doit absolument l'instruire que c'est beau? Si on doit l'instruire que c'est beau, peut-être que c'est pas si beau. Regardons simplement ce qui se passe. On a des guerres sur la planète Terre et on va dire c'est parce qu'il manque d'amour. De plus en plus, les gens ne veulent pas écouter parce qu'il manque d'amour. Les enfants se droguent, les enfants se walkmanisent, hein, achètent des promeneurs, des walkmen, se toquent des oreilles, ils veulent plus rien savoir de l'humanité. De plus en plus, on boit, de plus en plus, on fait des choses pour se distraire, de plus en plus, on s'ennuie, les vidéos fonctionnent à plein. On fume, on se distrait. Et on va dire, c'est parce qu'il manque d'amour. Il manque pas d'amour. Il y a trop d'amour. Il y a trop d'amour, comment? Bon, ça peut être un peu choquant. Il y a des individus qui passent leur vie, je sais, bon, ici, vous n'avez pas de bouche de métro, mais vous avez peut-être un métro, un dépanneur. Il y a des individus, à un moment donné, dans certaines régions, qui vous attendent avec un grand sourire, un paquet de papier, là, puis ils vous disent qu'ils vous aiment. Je sais pas si vous connaissez ça ici, mais en tout cas, à un moment donné, ça va peut-être venir. On vous vend de l'amour à plein. On vous aime. On vous connaît pas, mais on vous aime. Donnez-leur une claque dans le visage, allez voir comment ils vont vous aimer. Alors, il y a une très grosse farce au niveau de l'amour. Il y a une illusion majeure. Les parents qui aiment leurs enfants, je l'aime. À 17 ans, il veut s'en aller. On commence pas à souffrir de notre amour. Est-ce qu'on veut conserver l'enfant à la maison, donc on est prêt à le détruire? Au nom de l'amour. On est prêt à se foutre royalement de lui au nom de l'amour. L'enfant sort avec une noire ou avec quelque chose à un moment donné qui frustre les parents, ou bien on sort, couche trop de bonheur, ou etc. Puis au nom de l'amour, on va encore se mêler des choses qui peut-être ne regardent pas. Au nom de l'amour, on veut convertir les autres. On veut pas savoir s'ils ont une liberté de décision. On doit les convertir. De quelle façon, souvent, l'amour chrétien a été communiqué? Par la culpabilité, par l'enfer, par le péché. On communiquait l'amour comme ça. Vous savez que lorsque l'être humain veut communiquer l'amour, si les autres ne veulent pas de cet amour-là, on est prêt à leur donner leur amour, l'amour par la guerre. Et c'est tout ce qui se passe. On a des guerres religieuses. Il y en a une qui se prépare de toute façon, qui commence au niveau de l'islam. Oui, on veut que tout le monde soit sauvé par le même Dieu, quitte à leur couper les oreilles, un nez, un bras. Au nom de l'amour. Qu'est-ce que c'est, l'amour? Vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, vous êtes chez vous à un moment donné, il est 5h30, il devrait être rentré à 5h, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes inquiet. L'amour fait pas souffrir. Alors, il y a un maudit problème. Ou bien l'amour, c'est de la merde, ou bien l'homme n'aime pas d'amour. Je ne parle pas de phénomène spirituel. Vous savez, on peut vendre de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, c'est une belle chose. Aimez-vous vous-même pour commencer, parce que sinon, vous serez pas capable d'aimer les autres. C'est une chose aussi. Mais comment faire pour s'aimer si on a appris à se culpabiliser? On peut pas arriver même à s'aimer. On est toujours un peu en train de se comparer à ce qu'on aurait dû faire, à ce qu'on devrait être, puis on se maquille pour se cacher la vérité. Hein? On s'habille différemment, on essaye de copier un acteur, on essaye de changer quelque chose. On se fait pousser une barbe ou une moustache, ou on la coupe. On se teint les cheveux, etc. On s'aime pas génialement. Alors, on va parler de deux sortes d'amour. À un moment donné, j'étais dans une conférence dans un cégep, et puis j'ai juste dit un mot comme ça qui m'est sorti. C'est que celui qui aime, aime tout. Et celui qui n'aime pas, n'aime pas tout. Ça veut dire que s'il y a un seul maringouin sur la planète que vous aimez pas, vous n'aimez pas. Il y a juste un individu dans toute la salle qui s'est levé et qui s'est mis à applaudir. Tout le monde l'a regardé en voulant dire qu'est-ce qu'il fait là, le smart. Non, non, lui, il venait de percevoir une chose. Il se balançait des autres. Il s'en balançait pas dans le sens qu'ils aimaient pas. Vous savez que chaque fois que vous limitez quelqu'un, c'est une mauvaise forme d'expression de l'amour. Fait qu'à un moment donné, on aime son enfant. Fait qu'on y met les culottes qu'on aime qu'il porte. Hein? On l'habille convenablement. On le peigne à notre manière. Parce qu'on l'aime. Mais lui, là-dedans, il fait quoi? On se fout royalement de lui dans le fait qu'on l'aime. Je vais voir un film à soir, ma femme veut pas venir. Qu'est-ce que je fais? Viens donc! Elle veut pas. Or, t'es plate, toi, pis c'est ici, pis c'est ça. Là, je la culpabilise. Je la manipule pour qu'elle vienne malgré elle. Puis on va dire, je l'aime. Il y a un phénomène intéressant. C'est que l'être humain, inconsciemment, sait bien des choses. Il y a une chose, entre autres, qui sait. Je suis bien attaché à toi. C'est déjà une très bonne expression de l'amour de l'homme. Tu es attaché. Donc, tu es esclave. Ah, j'ai besoin de toi. C'est ça. On a besoin d'une drogue, on a besoin d'alcool, on a besoin de nourriture, on a besoin de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'autre veut vivre sa vie, à un moment donné, on va tout faire pour l'empêcher de vivre sa vie, parce qu'on l'aime. Il y en a beaucoup ici qui aiment les fleurs, qui aiment la nature. Il y en a combien qui, de temps en temps, par amour des fleurs, sortent dans le jardin, coupent les fleurs qu'elles aiment, les tuent, les mettent dans un pot, les mettent sur le table, puis continuent à les aimer. La fleur est morte, mais on l'aime. Puis quand la fleur est fanée, ben on l'aime plus. On apprend, on la met dans la poubelle, puis on va en aimer d'autres dehors, qu'on coupe, puis qu'on récupère, puis qu'on rentre en dedans. On les aime. Il y a un maudit problème. Et c'est du même amour. Il n'y a pas grand différence. Certains vont aimer leur char plutôt que leur femme, plutôt que leur mari. D'autres leur chien. D'autres leur sport, d'autres leur job. C'est la même chose. C'est de l'amour encore. Alors, il y a effectivement trop d'amour. Ça pisse partout. Les humains en transpirent. Et quand on a trop de choses, ça crée des malaises. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Je ne dis pas que les conférences que je donne, des conférences, quand les gens partent, ils se disent tout, ah, c'est tout bout, puis s'en vont, ces nuages. Habituellement, les gens qui viennent en conférence maïssent un peu après la première conférence. Puis ceux qui viennent pas maïssent encore plus. Les gens partent, puis souvent sont transformés un peu, c'est-à-dire qu'ils ont compris des choses. Il y a des prises de conscience. Ça peut faire mal, il y a des chocs, à un moment donné. On brise des formes. Mais la personne qui comprend un peu de quelle façon elle est manipulée par son amour, c'est quelqu'un qui vient à un moment donné, puis qui dit, moi, j'ai le cœur sur la main. Puis là, je peux poser la question, ouais, des êtres humains qui ambitionnent doivent connaître un maudit paquet, hein? Ah ben oui. Ton cœur sur la main, penses-tu que c'est une qualité ou un défaut? Ben, c'est une qualité. Ouais. Es-tu bien heureuse avec ça? Non. C'est évident. Vous savez que si vous avez tout le cœur sur la main, puis que moi, je suis un être humain normal, je vais vous instruire que c'est beau. Ah oui, tout ce que je vais vous demander, ben, vous allez me le donner. Fait qu'on va faire une structure éducative où on va obliger les gens à trouver que c'est beau. Mais l'échange, il y a un échange d'énergie qui est important. Celui qui donne tout, il peut pas bien apprécier les autres. C'est bien ça quand on donne une claque sur la joue tant l'autre. C'est génial. À la condition que l'autre le fasse. Quand les Blancs sont arrivés ici, ils ont rencontré les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique avaient un gros défaut. Lorsqu'on leur donnait une claque sur la joue, ils tendaient l'autre. C'est-à-dire que l'Indien arrivait, puis lorsqu'il vénérait quelqu'un, lorsqu'il l'honorait, lui, il lui faisait des cadeaux, des présents. Alors, à un moment donné, il lui disait, la montagne qui est là, je te donne. Le lendemain, ou deux, trois semaines après, lorsque les deux chefs se rencontraient encore, ben, l'autre chef qui avait reçu, il fallait qu'il fasse un présent. Fait qu'il disait, la montagne que tu m'as donnée, je te la donne. Quand les Blancs sont arrivés, ben, les Indiens leur ont dit, la montagne qui est là, je te la donne. Quand l'Indien lui mettait les pieds dessus, on lui a dit, hey, t'es chez moi, sac ton camp. Puis on a évidemment instruit les Indiens à attendre puis à attendre encore. On a amené nos colons puis nos armées. L'idée, c'est bon. Ce que le Nazaréen a dit à un moment donné au niveau de temps, quand on te donne une claque sur une joue, tant l'ose, c'est correct, c'est intelligent, mais il faut le voir au niveau énergétique, pas au niveau mécanique. Regardez ceci. Comment pouvez-vous aimer ceux que vous aimez pas? Ben, c'est ça. T'sais, quand on parle d'amour, on aime. Il y a un problème, c'est que chez l'être humain, il y a différents niveaux qui évoluent en même temps. Vous avez déjà été acheter un auto? Ceux qui n'ont pas acheté d'auto, ben vous allez sortir de comprendre quand même l'analogie. On regarde l'auto et on dit « elle me plaît pas ». On regarde une autre auto et on dit, ah, elle me plaît. Ah, ben là, je la veux. Ça, c'est un choix émotif. Il y a beaucoup de personnes qui achètent comme ça puis sont obligées de payer très cher ou de remettre. Celui qui fait un choix intelligent, un choix, disons, mental, il regarde pas l'esthétique tout de suite. Combien il fait de kilomètres au galop? Combien ça coûte de remplacement des pièces? Le service après-vente, etc. Quand tout va dans ce qu'elle a besoin mentalement, là, elle va se dire, bon, maintenant, est-ce qu'elle me plaît? Il y a deux choses chez vous que vous devez commencer à faire vibrer pour discerner. Il y a une partie chez vous qui est mentale. Quand ça commence à apparaître chez l'humain, on appelle ça l'intellect. Mais l'intellect est très, très, très coloré par l'émotion, tandis que le mental est plus libre. C'est ça qui doit être fait, ben c'est ça qu'on fait. Et il y a une partie émotive chez l'homme, une partie émotive qui va dire, c'est ça qu'on doit faire, mais ça me tente pas, on va faire ça à la place. Et ça, on se fait souvent charrier par cette partie émotive-là. Est-ce que ça veut dire que l'émotion est un problème chez l'humain? Pas nécessairement. Chaque chose doit être à sa place. Quand l'être humain mange pour nourrir sa psychologie, il tue son corps. Si chaque chose est à sa place, ça va bien aller. Au niveau de l'amour, c'est le même phénomène. Il y a deux formes d'amour. Il y a un amour qui est intelligent, puis il y a un amour qui est psychologique. L'être humain vit d'un amour psychologique. Un amour émotif. Faut comprendre une chose. Observez. Je fais une conférence, la première fois qu'on se rencontre, on va se rencontrer sans doute une autre fois. Mais observez une chose. L'amour, ce n'est pas une émotion. Et lorsque l'être humain prend l'amour et la fait émotion, il la colore par sa psychologie. Je vais expliquer un petit peu. Mais l'amour, c'est pas une émotion. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que l'émotion chez l'homme? Un humain va vibrer émotivement avec la nature. C'est une émotion. Un autre humain, la nature, c'est dit rien. Il va vibrer émotivement avec un moteur. Un moteur d'avion, un moteur d'auto. Un autre va vibrer émotivement avec des corps de femmes ou des corps d'hommes. Mais c'est plus souvent l'homme qui vibre pour la femme, parce que l'homme est beaucoup plus... En tout cas, un jour, on viendra là-dessus. À un moment donné, certains vont vibrer avec des enfants. Certains vont trouver, par exemple, que quelqu'un qui reste dessus, qui vomit, ben, ça dérange pas. Fait qu'il peut faire une infirmière, un infirmier, il peut faire un médecin, il peut faire un technicien ambulancier, il peut faire, bon. Un autre, du moment que tu as 3 ou 4 rapports, il se met à vomir à la place. Bon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que vous aimez toutes le jaune? Est-ce que vous aimez toutes les souliers talons hauts? Est-ce que vous aimez toutes les mêmes choses? Non. Pour la simple raison que ce que vous aimez dépend de votre éducation. Ce que vous aimez dépend de ce que vous avez fait quand vous étiez jeune. Celui qui est élevé dans une ferme va aimer les animaux. Sauf évidemment si c'est une ferme où ce qu'on pense pour les animaux à l'abattoir, ben peut-être que là... Ouais. Celui qui est élevé dans un laboratoire, ben évidemment, il va aimer un microscope. On aime selon notre éducation. Lorsqu'à un moment donné, vous avez mangé, vous étiez tout petit, puis ça coulait, puis on vous dit, « Yar, caca, alors, qu'est-ce que c'est, ça, là? » Ben, c'est évident que si à un moment donné, quelqu'un vomit, vous allez vomir. C'est caca. Il y a une grosse partie de l'éducation qui va déterminer ce que vous allez aimer. Vous allez apprendre à aimer les adultes ou à ne pas les aimer. Vous allez apprendre à aimer les enfants ou à ne pas les aimer. Vous allez apprendre à aimer un paquet de choses ou à ne pas l'aimer. Ça, c'est l'amour psychologique. C'est l'amour émotif. C'est-à-dire que vous vibrez par émotion. Je ne dis pas que ce n'est pas correct. J'explique des choses. Étant donné que vous y allez par vibration émotive, ben vous allez rencontrer un individu sur un coin de rue, vous allez dire, ou ben non, vous allez vibrer que vous le trouvez beau. Vous en rencontrez un autre, tu plains. Vous allez voir quelqu'un, maudit, qui est bien habillé, ou qui est bien habillé. Vous allez en voir un autre, tu vu l'autre là-bas. Vous allez toujours être en train de placer un amour sélectif sur tout ce que vous rencontrez. C'est quoi un amour sélectif? Ben, c'est la majorité des problèmes de l'humain. Manque d'amour. Ah ouais, le gars, il sort pis il dit, je vous aime, aimez-moi. Bon, j'ai besoin de 5 piastres, aimez-moi. Là, il passe son chapeau pis il fait la tournée, aimez-moi. Mais vous pouvez répondre, aime-nous! Donne-nous aussi 5 piastres. Mais c'est ce qui arrive tout le temps. L'être humain qui vit d'un amour psychologique vit d'un amour sélectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'organiser pour créer un cadre où on va souffrir le moins possible avec cet amour-là. C'est quoi ce cadre-là? Observez clairement. Tu sais, il y a beaucoup de choses neuves. Peut-être, OK, mais observez clairement. Vous allez vivre encore. Observez simplement. Si ce que je dis n'est pas observable, pensez que je suis un fou, oubliez-moi. Si ce que je dis peut être observable... Ben, pensez qu'il y a peut-être bien des choses qu'à un moment donné, il serait temps qu'on commence à entrevoir différemment. C'est pas que les choses sont mauvaises. Les choses vous ont permis d'être, de vous rendre jusqu'à où ce que vous êtes maintenant. Les choses sont bonnes. Sauf qu'à un moment donné, on passe de l'école élémentaire à l'école secondaire. La preuve, la prochaine conférence dans l'école secondaire. Là, c'est l'école élémentaire. Bon. C'est un petit peu une gymnastique d'esprit pour tout le monde, là. C'est pour ça qu'on fait ça dans un gymnase. Bon. On va s'habituer. On va s'enligner. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, qu'est-ce qu'il fait? On parle d'amour. À un moment, est-ce que chaque homme ici est capable d'aimer toutes les femmes? Je parle pas d'aimer les femmes avec le fesse, là. Je parle d'aimer les femmes. De raisonner. Est-ce que vous êtes capable d'aimer tous les enfants de la tuque? Ou bien si vous décidez que ça, c'est mon enfant, puis que ça, c'est pas mon enfant? Avouez un amour sélectif à ce point-là. Êtes-vous capable de dire que on n'est pas des latucois? On est des êtres humains. Il y a plein de caves à Montréal qui se disent des Montréalais, puis qui veulent rester Montréalais, puis à l'extérieur, c'est tout arriéré. C'est eux autres qui sont arriérés. À un moment donné, on va dire, est-ce qu'on est Canadiens? On est des humains, pour commencer. On n'est pas des terriens, on est des humains. Mais l'être humain sélectionne, toujours, toujours. Alors, il va dire, ben non, il y a des femmes qui sont pas belles, il y a des femmes qui ont pas d'allure, il y a des femmes qui sont niaiseuses, il y a des femmes qui sont trop intellectuelles, des femmes qui... C'est ça, l'amour sélectif! Alors, à un moment donné, vous allez rencontrer une femme ou un homme qui vibre avec vous, là, puis ça marche, plaque, ça se plug. Sauf que l'humain est vivant, donc il change, donc il évolue. Mais dans 10 ans de là, votre amour sélectif marche-t-il autant qu'avant? Il y aura peut-être un amour programmé qui va naître. Ou ce qu'on doit. Ben oui, mais je l'aime, c'est ma femme. Eh, une autre belle raison. Ah oui, je l'aime, c'est mon mari. Est-ce qu'on doit aimer quelqu'un parce qu'on est marié avec? Ben oui, ben c'est sûr que je l'aime, c'est mon enfant. Ça n'a rien à voir. Alors, l'humain fonctionne comment? Il fonctionne d'un amour hyper sélectif où son amour s'en va puis décide qu'un tel ça marche, l'autre ça marche pas. Telle chose ça marche, tel autre ça marche pas. Telle affaire ça marche, l'autre ça marche pas. Ceux qui vivent d'amour sélectif, moi j'appelle ça, l'utilité, disons, de la communication, c'est ce que moi je définis comme étant l'homme ancien. L'homme, dans le texte français, désigne autant la femme que l'enfant. Il y a celui qui est transitif, qui commence à découvrir à un moment donné que, tu sais, c'est drôle, mais ce que j'aimais pas, je commence à aimer plus ça, tu sais, on dirait que, ouais, ça c'est l'amour de l'homme transitif. Femme transitive. Puis il y a l'amour intelligent. Êtes-vous capable juste de poser une question? Est-ce que l'amour, ça l'aime? L'humain, il veut aimer, mais est-ce que l'amour, ça l'aime? L'amour, est-ce que ça l'aime, l'amour? Comme vous aimez vous autres. Il se trouve que le gars le plus laid sur la planète va être capable d'aimer, donc il y aura de l'amour chez lui. Il se trouve que le gars le plus laid sur la planète trouvera être aimé à un moment donné. Donc, il y a un amour attractif, lui aussi. Il se trouve que la personne la plus sotte va trouver à aimer et à être aimée. Il n'y a pas un humain sur la planète qui n'est pas capable d'émettre de l'amour, et il n'y a pas un humain sur la planète qui n'est pas capable de recevoir de l'amour. Donc, l'amour, elle est partout. L'amour n'aime pas. Pas dans le sens psychologique que l'humain l'emploie. Si l'amour aimerait, elle sélectionnerait. Si elle sélectionnerait, il y aurait un paquet d'individus ici qui ne sauraient absolument pas ce que c'est que l'amour. Il y en a qui ont suffisamment d'amour d'eux-mêmes. Il y en a qui ont... En tout cas, il y a des choses qu'on aime. Donc, en partant, l'amour, elle est effectivement là. Il y en a qui a un maudit problème, c'est lorsque quelque chose qui est déjà là est canalisé par un humain qui se prend suffisamment au sérieux pour dire qu'il va contrôler ce qu'il va aimer, hein, l'orgueil massif de l'humain, puis il va dire, maintenant que moi, je vais contrôler ce que je vais aimer. Alors, toi, je t'aime, toi, je t'aime pas. Toi, je t'aime pas, toi, je t'aime. Toi, je t'aime pas, toi, je t'aime. L'humain choisit pas comme ça. Mais de quelle façon l'humain choisit? De par son éducation. Bon, lui, il te rappelle un gars qui t'a déjà fait telle affaire. Fait qu'en partant, tu peux pas l'aimer. Oh, lui, il porte le même nom d'un gars qui, bon, que c'est fini là. Bon, lui, il travaille à la même place que oublie ça. Lui, il fait partie de la même famille que oublie ça aussi. Lui, il y a ci, lui, il y a ça, etc., etc. On regarde juste un enfant qui casse une boîte téléphonique, puis on n'est pas capable d'arriver à l'aimer. Imaginez-vous l'amour sélectif de l'homme. Puis là, on se dit que s'il faudrait qu'on s'aime plus. Mais comment on s'aime plus? En sélectionnant comment? À un moment donné, le réparateur de boîte téléphonique, il va dire, moi, les aimer, les enfants, mais qui cessent de casser les boîtes. C'est un amour qui est conditionnel. C'est un amour qui est sélectif. Au niveau d'éducation, on dit quoi? Ben, je t'aime plus. Ben oui, c'est un amour qui est conditionnel. Moi, t'aimer à la condition que tu me donnes ce que je veux. C'est comme la fleur. Savez-vous qu'est-ce que vous aimez des fleurs? Des fleurs, des tracteurs, des chiens, n'importe quoi. L'humain est capable d'admirer la nature dehors, puis il aime ça, puis il est capable aussi d'aimer ça autant à la télévision que sur une photo. À un moment donné, quelqu'un s'en va en voyage longtemps, vous l'aimez, vous prenez sa photo, puis de temps en temps, vous regardez sa photo. Puis ça marche. Savez-vous, c'est quoi l'amour qui est vécu par l'humain dans ces conditions-là? Je dis pas que c'est mauvais, faites attention. Ce n'est pas parce qu'on explique un processus que nécessairement c'est mauvais. Souvent, on est porté à penser ça. Mais qu'est-ce qu'on aime? Je prends ma fleur, je la mets là. La fleur, je la regarde, elle crée quelque chose chez moi. Hein? On appelle ça l'émotion. Et c'est ça qu'on appelle l'amour. Tant que la fleur est capable de susciter chez moi le phénomène, je dis j'aime la fleur. Mais en réalité, j'aime ce qu'elle fait chez moi. Pas la fleur. La preuve, je la coupe, je la mets là-dedans. Quand la fleur est fanée, elle ne suscite plus chez moi. Alors, je la jette. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné quand les personnes commencent, ont vécu suffisamment longtemps ensemble, puis qu'ils se regardent d'en face, puis qu'ils se disent « Oh, mais tu m'apportes plus rien. Moi, je t'aime plus comme avant. » Même si on se le dit pas, on le vibre souvent en maudit. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe simplement que l'athlète que la femme a rencontré quand elle était jeune, ben, elle aimait ça voir le gars athlète. Mais elle aimait ça le voir à la maison aussi pour en bénéficier de son athlète. Mais le gars à la maison, il est plus athlète au bout de 5 ans. Et vu qu'il est plus athlète, ben, elle reconnaît plus son gars. Par amour, elle l'a détruit. Elle l'aime plus. Parce que le gars stimule plus chez elle autant le même phénomène. Alors, on va essayer de pallier ça par la relation sexuelle. Hein? L'amour sexuel, c'est qu'on va défaire l'amour. C'est couché dans les lits. Ben, une fois ça, c'est des tables, des bureaux, là, parce qu'on fait l'amour. Ben, on se gourre complètement. C'est pas ça pour tout. On va s'offrir des présents. Ben oui, tu vas aimer ton bonhomme parce que ton bonhomme t'achète des choses. Tu vas aimer ta bonne femme parce que ta bonne femme t'achète des cossins. C'est un amour conditionnel. C'est pas un amour véritable. Seriez-vous réellement capable, vous autres? On n'est pas capable. Mais en tout cas, une chose importante aussi. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable que ça veut nécessairement dire que c'est pas intelligent. Ça, c'est se prendre au sérieux en sacré bleu et t'orgueillant maudit. Ouais, mais on n'est pas capable. C'est pas grave. Selon toi, est-ce que ça serait intelligent qu'on arrive là? Qu'on soit capable ou non pour l'instant, c'est pas important. Mais il faut qu'on commence au moins par voir les choses. C'est déjà un bon début. L'amour conditionnel, je t'aime à la condition que, on le dit pas toujours, mais c'est ce qu'on vibre. Quand la femme se couche et elle se dit, chérie, tu m'aimes-tu? Imaginez-vous où c'est qu'on en est rendu. Quand le gars dit, tu m'aimes-tu? C'est quoi les cadeaux? Fais plaisir à l'autre ou ben non, acheter l'autre. Le conserver. Quand le gars, ça va coucher avec d'autres, parce que sa femme, il donne plus nécessairement ce qu'il veut. Il y a un phénomène intéressant. Le gars peut continuer à aimer sa femme puis coucher avec d'autres. Puis il aimera pas les autres. Le gars est assez sexuel. Il a besoin de demander certaines choses. Mais ça, la femme ne le comprend pas. Elle est plus sûre. Tout le phénomène de l'amour sélectif que l'être humain vit est un amour comme ça. Si l'élève à l'école aime son professeur, il va avoir des bonnes notes. S'il se sent pas aimé, ça va être compliqué en maudit. S'il aime pas son prof, ça va être tough qu'il ait des bonnes notes. Et ses parents, c'est la même chose. Les parents s'en vont, ils reviennent après 2 semaines, ils vont voir leurs enfants, puis là, les enfants, c'est des enfants nouveaux, des enfants qui se prennent en main. Ben, les enfants, ils continuent à jouer, ah, bonjour papa, bonjour maman, puis ils continuent à jouer. Mais qu'est-ce que les parents font, c'est des parents anciens, des parents normaux? Ben, ils vont tout à fait être frustrés. Ils sont même pas ennuyés. Oui, parce qu'on pense que si on s'ennuie, c'est parce qu'on aime. Mais non, si on s'ennuie, c'est parce qu'on est esclave de ce qu'on aime. C'est pas parce qu'on aime. Êtes-vous capable de comprendre que 2 humains peuvent s'aimer et en même temps se respecter? Mais dans la majorité des cas, l'amour de l'homme empêche carrément le respect de ce qu'on aime. T'aimes ton chien, il t'amène tes pantoufles, t'amène ton journal. Quand t'es malheureux, il vient, tu peux tout y compter. Puis là, pourquoi tu l'aimes? C'est parce qu'il peut pas rien compter après. Pas bavasser. Bon, et les humains, c'est top des fois. On t'aime ton chien, mais à un moment donné, ton chien, il commence à vivre la psychologie d'un chat. Tu rentres, allô, allô, Fido, viens ici. Puis Fido, lui, il te regarde, puis il sort tout. Gouvernement fédéral, t'es sous le bien-être social, ça soit des chèques de paye, et puis, c'est parfait. L'être humain qui commençait juste à voir un peu, ben on lui a mis un chapeau sur la tête, puis on lui a dit, t'as assez vu, là. On va te montrer un film ou une photo, là. Regarde-la, c'est suffisant. Puis souvent, l'être humain accepte les postes. Alors même celui qui avance finit par être récupéré souvent par les forces astrales, par les forces... C'est que vous êtes intelligent, mais ça ne veut pas dire que ce que vous faites est toujours intelligent. Le gars qui boit puis qui s'en va en char puis qui tue quelqu'un, il est pas nécessairement stupide. Mais là, il est manipulé, le gars. Fait, si tu lui demandes, selon toi, est-ce que c'est intelligent de prendre de la boisson, prendre ton char pour aller tuer quelqu'un, il va te dire non. Et le gars est pas fou. Sauf qu'à un moment donné, tu peux faire des choses comme ça. L'amour qu'on a, est-ce qu'elle permet à n'importe quoi de s'approcher de nous et de s'en aller sans qu'on souffre? Non. Alors, à un moment donné, l'humain va commencer à avoir peur d'aimer. Le gars ou la fille qui a aimé 4-5 fois puis que ça n'a pas marché, ben avant qu'il s'en refasse pogner, c'est dans ses mots à lui, par ça, il a peur d'aimer. Parce que l'amour qu'il aime est un amour qui amène de la souffrance, c'est un amour qui attache. Vous prenez, attachez deux oiseaux ensemble, mais même si les deux oiseaux ont 4 ailes, ils pourront jamais voler. Ils sont attachés. Laissez-les voler libres, ils pourront se poser souvent sur la même branche. Ils pourront se jouer d'un plume souvent. Mais quand il y en a un qui veut décoller, il est pas obligé d'entraîner l'autre avec lui. Ça devient intelligent, comme amour. Mais à un moment donné, vous vivez en couple, vous vivez à deux. Il y en a un, ça y tente d'aller chez Machin Chouette. Faut que l'autre suive. Puis si l'autre, il veut pas, ben on a des problèmes de relation de couple. On n'est pas capable de dire, bon, ben moi, je m'envoie telle place. Tu veux-tu venir? Non, moi, je vais lire. T'es sûr? Oui, oui, je vais lire. OK, bang, tu t'en vas. On va dire, ouais, mais c'est pas de l'amour, ça me pue. Oh, un instant. Ils divorceront pas de si tôt aux autres. Puis quand le bonhomme ou la bonne femme va rentrer à la maison, elle appréhendra pas de rentrer chez lui ou chez elle. Elle va être contente parce qu'elle sait qu'elle rentre dans un cadre libre. Parce que deux humains s'aiment, ils pensent qu'automatiquement, il faut qu'ils se tuent. On crée une fusion, on doit créer un humain. Toi, t'es plus toi, moi, je suis plus moi, puis toi, deux, on est quelque chose d'autre. C'est pas comme ça que l'humain doit fonctionner au niveau de l'amour. L'amour intelligent, c'est extrêmement compliqué à arriver à cellulariser, à vivre, à exprimer. Ça n'empêche pas que ça reste intelligent. C'est comme de dire que changer un pneu après un auto quand le pneu est crevé, c'est intelligent. Mais une personne peut dire, oui, mais je suis pas capable, je suis pas assez fort pour cliquer le char, je suis pas assez fort pour défaire les noix. Peut-être, mais n'empêche que ça reste intelligent pareil d'être capable de changer une roue de secours. De mettre une roue de secours après un pneu qui est crevé. Oui, mais je peux pas. Je comprends que tu puisses pas. On va prendre le temps de te donner des muscles, on va prendre... Puis si tu peux pas pantoute, c'est correct. On va te fournir pour te champer encore que t'aurais une crevaison, on va te donner une radio, on va faire, t'sais, bon, on va s'arranger. Mais même si tu peux pas, es-tu capable d'admettre que c'est intelligent de pouvoir? Ben oui. Mais souvent, il y a énormément d'êtres humains qui me disent, « Oh ben, ça n'a pas d'allure. Moi, je vis pas ça en tout. » Ça change rien que ça a de l'allure. On aime, on souffre. On est attaché. C'est sûr que ceux qui commencent à aimer puis qui souffrent pas, ça va bien. Mais à un moment donné, la personne qu'on aime, peut-être qu'elle meurt un jour. Puis qu'est-ce qui se passe? On souffre pas? Ben oui, on souffre. Pourquoi on souffre? On souffre pourquoi? Parce qu'on l'aimait. On l'aimait psychologiquement. On l'aimait d'une façon sélective. On l'aimait comment? La fleur, je l'aime parce que ce qu'elle stimule chez moi, c'est ça que j'aime. Je l'aime donc pour moi, pas pour elle. Si je l'aime pour elle, je la laisse pousser. Si elle meurt, c'est son chemin. Ça me fait pas souffrir. Puis si elle vit, ça me fait pas souffrir non plus. Je l'aime pour elle. À un moment donné, il y a quelqu'un que j'aime qui meurt. Là, je me pète la tête ses murs, je me roule d'un drap, je braille, je crie. Et puis, je vais au salon mortuaire et puis je pleure. Imaginez-vous que si vous auriez de l'air devant vos familles à côté du défunt ou de la défunte, et vous pleurez pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Boire, il est bien sans cœur, il est bien sans cœur. Elle l'aimait pas, il l'aimait pas. Pourquoi c'est nécessaire de pleurer pour aimer? Non, on pleure quand on souffre, pas quand on aime. Qu'est-ce qu'on aimait de l'individu? Qu'est-ce qu'on entend souvent? Qu'est-ce que tu vas faire sans lui? On n'aimait pas pour l'autre. On aimait pour soi. Il était si bon pour nous autres. On n'aimait pas pour l'autre. On aimait pour soi. Il nous rendait de bonne humeur. Il nous motivait. On n'aimait pas pour l'autre. On aimait pour soi. C'est normal. Faut pas se sentir coupable de découvrir ça. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est bon, à un moment donné, de le savoir, parce que si on va arriver à cesser de souffrir tout en n'ayant pas peur d'aimer, ben, faut qu'on comprenne les choses, la mécanique des choses. L'amour, c'est pas souffrant, mais l'être humain, il l'exprime tellement à tout croche que ça fait toujours mal d'aimer. Alors, on va exposer le défunt pour pouvoir venir regarder la photo un peu plus longtemps. Mais le défunt, on n'a pas besoin. On va dire si on y rend un dernier hommage. Quel hommage qu'on rend? Le cortège funéraire est noir. Lui, s'en balance. Qui est en deuil? Ceux qui sont dehors, vivants. Pas lui. C'est qui vient? On vient de perdre un être cher. C'est ça. C'est le problème. C'est un maudit problème, parce qu'à un moment donné, on va perdre toujours du monde. Parce qu'il part, parce que nos enfants partent, parce qu'ils meurent, parce qu'ils déménagent. On perd aussi son chien, son perroquet, sa perruche. La vie, ça bouge. C'est vivant. Ça change. Si on aime sélectivement, on prend une chose puis on veut la posséder. On la conserve chez soi. Quand la chose s'en va, on est obligé de la laisser aller. Et on souffre en vache. On va dire oui, mais ça veut dire que... Bon, moi je parle de l'homme nouveau. Un être intelligent. L'homme nouveau est un être intelligent, se sent qu'il aime d'une façon intelligente, d'une façon qui n'est pas sélective. On dit, ouais, c'est beau, hein, sacré bleu, ça, là, mais... Non, là, j'explique un phénomène pour qu'on puisse voir l'intelligence de quelque chose. C'est, si vous savez d'où vous partez, puis vous avez une idée intelligente de ce que ça peut donner à un moment donné, ben ça fait un petit chemin à parcourir. Est-ce qu'on va le parcourir ou non, ça n'a aucune importance. Mais il faut commencer juste par grandir un peu sa conscience. Comprendre différemment les choses qu'on comprenait depuis tout le temps de la même façon. C'est juste ça. Avec l'évolution, c'est juste ça. On peut poser une question... Ben, une chose, de toute façon, on peut carrément répondre à la question sans qu'on la pose, c'est que l'homme n'est pas sa planète pour être heureux. L'homme, il pense qu'il est sa planète pour être heureux. Puis l'homme, il se fait en mille pour arriver au bonheur. Puis tout fois qu'il y a un bonheur, il a peur de le perdre. Vu qu'il a peur de le perdre, il est toujours malheureux. L'être humain n'est pas sa planète pour être heureux, c'est sa planète pour s'améliorer. S'améliorer comment? Oh, parlons-en même pas. Vous vivez quotidiennement des conditions événementielles. Vous vivez des événements. Arrivez-vous à passer à travers ces événements-là tout en restant vous autres? C'est juste ça, l'évolution. Êtes-vous capable de rester vous autres? Vous vous levez un matin et la vie est belle. La personne que vous aimez est plus dans le lit, est partie, puis elle laisse un mot. Comment vous allez passer la journée? C'est ça. Vous êtes tout à fait assujetti à l'extérieur. Vous êtes manipulé par l'extérieur. Vous allez dire, oui, mais je l'aimais. Oui, oui, t'es jaloux à un point tel que tu peux même la tuer puis tuer son chum tellement tu l'aimes. On appelle ça un meurtre passionnel. C'est ça, l'amour sélectif. L'homme nouveau passe à une autre étape d'amour. On va en parler un petit peu, parce qu'en fin de compte, c'est la finalité. Sauf qu'est-ce qu'on doit se rendre derrière pour aller rejoindre le concept que je vais vous amener? Absolument pas. Observez juste ce qui se passe. Puis plus vous allez observer de quelle façon vous êtes manipulé par votre choix de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de quelle façon vous vous attachez à ce que vous aimez, bien plus ça va devenir simple d'aimer. Le truc est bien simple. L'évolution, c'est facile. C'est pas souffrant. Sauf quand on s'attache à pas vouloir changer. L'amour intelligent permet à n'importe quoi d'approcher ou de s'en aller. Ça laisse les choses libres. Laissant les choses libres, ça vous laisse libre. Alors, on va dire, oui, mais tu sais, tu passes quelque part, puis là, il y a quelqu'un qui se noie. Tu sais, si tu t'es pas pris émotivement, tu n'iras pas le sauver. Ça, c'est pour l'homme ancien, ça. L'homme ancien a besoin d'être manipulé par les tripes, sinon il la regarde puis il fait rien. Parce qu'il est pas intelligent. Mais il y a suffisamment d'humains ici qui sont suffisamment intelligents pour se dire, « Mais non, c'est con de laisser un gars mourir. » T'as pas besoin d'être pogné par tes tripes. Quand on fait des campagnes pour le tiers-monde, qu'est-ce qu'on présente? Un enfant à poil à moitié maigre. T'es toute maigre, en os. Parce que si on présente carrément le pays, une photo du pays, ou un texte expliquant le problème, ben, il y a personne qui donne. Puis on parle d'amour. Mais non, on doit vous culpabiliser pour que vous aimiez. On doit vous faire souffrir pour que vous aimiez. On a la conscience tranquille. Quand on a la fibrose kystique, ben pour que les gens donnent, qu'est-ce qu'on prend? On prend un enfant qui est hyper atteint, là, puis on vous le présente en train, quand il mettait, t'es en train de le battre là, pour y libérer les poumons. Sinon, ben l'humain, il aime pas, il aime pas. Marche pas. Vous savez ce que c'est qu'intelligence? Il n'a pas encore beaucoup sa planète. Il y a beaucoup d'intellectuance. On se réfère à nos mémoires. Parce qu'on n'a pas appris ça, ben on change rien. Faut réinventer la vie. Vous devez tout réinventer votre vie. Pas vous fier aux traditions parce qu'il était enseigné. C'est pas nécessairement mauvais. Mais demandez-vous si ça a de l'allure. Faites-le pas parce que ça a toujours été comme ça. Parce que tout le monde le fait. Ça, c'est être lié à une conscience hyper collective. L'amour intelligent est extrêmement facile à exprimer. À l'instant même, il est toujours exprimé. À l'instant où l'être humain cesse d'aimer sélectivement, mais il lui reste qu'une chose, il aime intelligemment. Ça veut dire qu'il ne peut pas souffrir de l'amour. Ça veut dire qu'il est capable de fonctionner avec n'importe qui et avec n'importe quoi. On va dire, oui, mais ça, c'est utopique. C'est essayer de broyer sur ce que vous pouvez pas faire. C'est comme de dire, à un moment donné, il faudrait dépolluer l'atmosphère. C'est utopique, ça, penses-tu qu'on va faire ça du jour au lendemain? Calèque, oubliez ça, dépolluons pas l'atmosphère, laissons-la comme elle est. Mais vous, ça n'a pas de sens. Le gars qui est malade, on devrait dire, faudrait que tu te mettes en santé. Le gars va dire, ouais, c'est facile à dire. Calèque, reste malade. C'est pas comme ça qu'on a marché. Vous voulez aimer? Il y a un maudit problème, il y en a qui sont pognés en sacré bleu parce qu'ils aiment l'amour, en plus. Il y en a qui aiment l'amour, qui recherchent les embrassades, qui recherchent les touchages, qui recherchent les têtages d'énergie. Il y en a qui aiment l'amour, qui vont mettre leur vie à transmettre l'amour, qui se missionnent à y mettre de l'amour. À un moment donné, l'approcher de quelqu'un là qui vit bien, puis quelqu'un qui est plein d'amour, qui vient vous voir, là, je vais le trouver connant en tabarnouche, je vais l'appeler bonbon. Puis si vous dites à cette personne-là qui est pleine d'amour, de sacrer son camp, c'est drôle, mais à part frustré. Qu'est-ce que beaucoup de théologiens disent? Ben Dieu qui est Dieu t'aime quand même! L'amour conditionnel, quand même. Une vraie farce. On ne doit pas se culpabiliser si on découvre qu'effectivement on aime pour soi. L'homme aime d'un amour égoïste et c'est tout à fait normal. Il est constitué comme ça. Maintenant, ça, c'est une chose qui fait partie d'un plan, disons, d'une étape de l'évolution des humanités. Puis à un moment donné, l'être humain, parce qu'il devient intelligent, découvre que c'est peut-être con, certaines choses. Mais quand on découvre qu'une chose est conne, on va pas demander à l'autre s'il trouve ça con avec, parce que l'autre, s'il dit non, il te récupère dans la conscience collective. Si vous trouvez quelque chose con, ben trouvez le con. Puis si tout le monde trouve ça bien brillant, trouvez le con, la chose. Quand vous trouverez ça intelligent, trouvez ça intelligent. Si personne trouve ça intelligent, trouvez ça intelligent, pareil. Lorsque je m'adresse normalement à des salles la première fois, c'est évident qu'il y a des choses qu'on comprend pas tout de suite, du premier coup. Normal. Mais souvent, l'humain se dit, hey, c'est beau, si tout le monde là décide là de s'en aller, là, puis, oh, un instant. Moi, je parle du contexte de l'homme actuel. J'explique un processus mécanique que la psychologie commence à découvrir. Et puis après ça, on explique une finalité intelligente qui permettrait au moins aux humains de pouvoir trouver une manière de s'enligner quelque part. C'est comme si je vous dis, on aime pour soi. Et observez tout ce que vous aimez. Une personne va dire, non, moi je fais du bénévolat. C'est pas de l'amour égoïste. Tu sais, je me donne aux autres. T'aimes-tu ça, faire du bénévolat, ou si t'aimes ça? Ben, j'aime ça. Ça te rapporte-tu? Ah, énormément. C'est pour ça que tu le fais. Pas parce que t'aimes. Parce que ça te rapporte. Parce que la journée que ça te rapporte plus, t'en fais plus. On s'occupe d'une équipe de hockey, d'une équipe de baseball. Ben oui, mais ça nous rapporte émotivement. Quand ça nous rapporte plus, on s'en occupe. On aime pour soi. C'est convenable, c'est correct. Sauf que c'est ce qui engendre le phénomène de la souffrance. Étant donné que je veux aimer la fleur pour ce qu'elle stimule chez moi, c'est ce stimuli-là que j'ai besoin. Premièrement, il me rassure. Deuxièmement, il m'énergise, c'est-à-dire qu'il me nourrit, je me sens bien. Quand la chose qui entraîne le stimuli s'éloigne, je perds ce stimuli-là, je me sens déprimé, j'ai peur, je me sens insécure, et on dit, je me sens mal ou pas aimé. Ça veut dire que ce que c'est qu'être mal aimé, c'est quand l'autre ne vous aime pas comme vous voulez qu'il vous aime. C'est ça être mal aimé, mais l'autre, il vous aime pareil. Et lorsque la chose disparaît complètement, pourquoi l'être humain est jaloux? On va dire, oui, mais c'est humain d'être jaloux. C'est évident que c'est humain d'être jaloux! C'est humain de faire la guerre, c'est humain de violer, c'est humain de voler, c'est humain de tuer! Mais c'est pas intelligent parce que c'est humain, c'est d'être orgueilleux en sacre bleu de dire que parce que c'est humain, c'est parfait. L'humain change. Mesdames, il y a eu une époque où les mâles ramassaient la bonne femme par les cheveux puis la traînaient pour aller coucher avec. C'était humain. Trouvez-vous ça intelligent? Ben, c'était humain pareil. Sauf qu'on trouve pas ça intelligent. Même les hommes trouvent plus ça intelligent. Mais c'était humain. Oui, je sais que c'est humain. Mais ça n'empêche pas que les choses doivent changer à un moment donné. C'est beau d'être humain, mais à un moment donné, on peut peut-être améliorer la condition de l'homme. Il y a encore des pays sur la planète que c'est réellement une vraie farce, mais c'est humain. C'est des humains, c'est très humain. Très, très humain. C'est humain de fumer, mais l'être humain vient pas manger une cigarette dans la bouche. Ah, moi, avec les parents, c'est un fumeur à sacré bleu, mais ça, c'est rare. Il vient au monde pas de cigarette. C'est humain d'apprendre à fumer, c'est humain d'apprendre à avoir peur, c'est humain de s'entretuer, c'est humain de tout ça, c'est humain. C'est humain d'aimer et de s'attacher à ce qu'on aime. et ça entraîne de la souffrance. Si on aime intelligemment, ça veut dire qu'on doit obligatoirement respecter. Qu'est-ce que c'est qu'aimer intelligemment? C'est comprendre l'extérieur. Je comprends l'extérieur, donc j'aime. Ça veut-tu dire que je parle comme ça, puis que je dis que j'aime l'homme, pour qu'il sache que je l'aime? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vois quelqu'un qui cause de quoi? Tu comprends. On comprend pas tout de suite, mais quand on commence à s'observer, on finit par comprendre ce qui se passe à l'extérieur. On comprend les autres. J'ai besoin de m'en aller, je prends un break de 2 mois, je vois la face. Mais si on comprend l'autre, vas-y. Là, on aime. On souffre pas d'aimer. Le gars veut revenir, la fille veut revenir, elle repart, elle revient, elle repart, elle joue piston. Mais si on comprend, on n'en souffre jamais. À un moment donné, on peut dire, bon, ben là, le piston, c'est suffisant, là, il faut que tu te branches. Moi, je me branche ailleurs. De quelle façon la personne va dire? Oui, mais tu me fais souffrir! Non. Elle se fait souffrir. Savez-vous combien de fois dans votre vie vous avez fait souffrir quelqu'un? Jamais. C'est l'autre qui se fait souffrir. C'est l'autre qui s'organise pour souffrir. Oui, mais il y a plein de trafic, il y avait un accident, c'est pour ça que je suis en retard. Oui, mais tu sais comment je t'inquiète quand t'es en retard? Ben, tabarnouche, tu me fous, puis branche-toi, puis occupe-toi de toi-même. Là, quand la personne s'en vient, là, il y a un accident, il y a du trafic, qu'est-ce qu'elle commence à faire? Ben, elle commence à vivre son stress. Parce qu'elle sait que l'autre va donner de la marde, parce que l'autre l'aime. Ben oui! Tu sais, faut arriver à voir le maudit problème. T'es en retard? Oui, il y avait un accident. Ah, ben, il y avait rien de grave. Non, c'était bien correct. Bon, ok, parfait. Tabarnouche, t'as hâte de rentrer chez vous. T'as hâte de vivre avec ces gens-là. S'en va chez tes amis. Là, il est 8 heures, t'es fatigué. Bon, ben là, les amis, c'est fini le party. Moi, je m'en vais, puis continuer. Oh, maudit cas, c'est de party! Gang de têteux! Je m'en vais! OK, parfait, dors bien, clic. Le gars s'en va, la fille s'en va. Invitez-moi n'importe quand à y aller. J'aurais pas besoin de dire, ouais, mais là, c'est parce que là, tu sais, là, on vient de manger, là, puis faut pas qu'on parte, il y a la politesse, il y a ci, il y a ça, parce qu'ils vont être frustrés, puis tabarnouche, on se complique-tu la vie? On n'est pas capable de se rencontrer, puis quand c'est fini. Hey, Charlie, j'ai quelque chose à te dire. Oh, pas là, tu sais, je file pas. Oh, non, Charlie! Non, je file pas. OK, Charlie, va le faire. Et moi, dire au gars, n'importe quand tu viens me voir, viens me voir. Quand ça me tente pas, je te dis que ça me tente pas, puis tu comprends. Fait que viens. T'as pas peur. Mais faut que le gars qui vient de voir Charlie, ben, faut qu'il comprenne Charlie. T'sais, faut qu'il sache que l'autre, ben, quand il est nappé, il est nappé. Ça vous est-tu déjà arrivé demander de rentrer d'être chez vous, puis ou d'être au travail, puis... Allô, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Ah, ça me tente pas de parler, là, t'sais. Pourquoi ça te tente pas de parler? Hey, c'est moi, ça me tente pas de parler. J'ai pas commencé à te parler, t'expliquer pourquoi ça me tente pas de parler. Ça me tente pas, je suis fatigué, là. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça me tente pas, t'sais, dans une heure. Mais voyons donc! Ah, non, foutez-moi à paix! On se fait têter, parce que l'autre nous aime. Mais observez simplement comment que la vie, on va dire, oui, mais c'est utopique. C'est pas utopique, sacrebleu, si vous le comprenez, vous pouvez le vivre. C'est pour ça que ceux qui viennent pas à mes conférences, qui connaissent des gens qui viennent à mes conférences, maïs. Parce que souvent, il y en a qui commencent à vivre ça. L'autre, il veut têter, là. Puis l'autre, là, il vient de comprendre, là. Puis il dit, non, demain, tu reviendras. Hey, hein, ces conférences, là, depuis qu'elle va là, elle est folle. Elle est pas folle, elle est mieux. Elle est pas folle. C'est très facile à comprendre. C'est facile. C'est pas philosophique. C'est rien de ça. Je dis pas que vous allez réussir à l'appliquer tout le temps parce qu'il y a bien des fois que vous allez vous faire avoir. C'est pas grave. Comprenez-en l'intelligence. De temps en temps, là, faites juste observer. Vous aimez, vous souffrez, vous êtes pogné. En partant, ce que vous aimez, c'est pas ce que j'appelle de l'amour. C'est normal chez l'humain. On peut passer par-dessus ça. On peut améliorer ces conditions-là. Mais c'est normal. Alors, on se sent pas coupable. On est de même. Sauf qu'à un moment donné, on est de même, mais il faudra qu'on change quelque chose. Hey, tu vois plus clair, t'es myope, tu vois plus rien. C'est beau de dire je suis de même, mais à un moment donné, tu te fais poser des lunettes ou des verres de contact. C'est beau d'être de même, mais on peut améliorer les choses. On fonctionne par intelligence. Vous savez que l'être humain, c'est pas de la merde, c'est pas médiocre, c'est intelligent. Sauf que l'être humain vit d'une conscience collective qui l'oblige continuellement à être manipulé. Je peux pas y aller de même, qu'est-ce que les gens vont dire? Et ça, être manipulé, vous êtes pas vous-même. Bon, continuellement, on est manipulé. T'es un gâché de party, bon, c'est correct, m'a resté, t'es manipulé. Et que t'es plate, toi, t'es manipulé. C'est correct, m'a le faire, t'es manipulé. Pis y'en a, y'en a, y'en a, y'en a, y'en a. Oui, mais je m'inquiète quand t'es manipulé. Tout ce que l'être humain vit de croche, il veut te le faire porter. Portez plus cette chaudière-là. Oui, mais l'autre, il souffre. Puis après, il y en aura un des deux qui va souffrir. Ça va être toi ou l'autre. C'est lui qui part la chose, puis c'est toi qui souffres. Entre un puis l'autre, s'il part la chose, tu portes aussi le sac à dos. C'est sûr qu'écologiquement, on doit s'entraider. Si vous êtes suffisamment intelligent, à un moment donné, vous allez vous dire, bon, ben là, tu sais, le voisin, là, sa blonde vient de partir, ou son chum vient de partir, ou encore, il y a eu de la mortalité dans la famille, elle est toujours sur le balcon, puis elle se tient, puis elle fait plus rien. Ben, c'est inécologique dans une société de laisser quelqu'un sur un balcon en train de moisir. Je veux dire, on vit ensemble, puis il y a des mots de raison intelligente de vivre ensemble. Fait qu'on peut se déplacer pour aller voir l'autre, puis l'autre, ben bon, c'est là un peu, c'est intelligent, puis quand vous êtes fatigué, vous le laissez là, vous en allez. Vous pouvez en parler, faire quelque chose. On est intelligent. On n'a pas besoin d'être pris émotivement par les tripes pour faire quelque chose. Les animaux marchent de même. Les hommes anciens marchent de même. Oh, mais ça me touche pas, moi, c'est en bas. Hey, un instant. Un jour, en conférence, j'ai demandé, il y a plusieurs personnes qui aimaient beaucoup Dieu. Puis quand je leur ai dit que Dieu était noir, ben, il y a un mot du paquet qui... Les intellects ont dit, non, Dieu n'a pas de couleur de peau. Ben, pourquoi tu le précises d'abord que ça peut foutre que je dise que c'est noir? Je comprends rien. Personne ne se défendait pareil. Et elle aimait son Dieu, elle aimait l'archétype, elle aimait l'image. Elle était pognée avec. Vous savez que, on peut vivre facilement, faut faire attention aux manipulations, de toute façon, à un moment donné, on va en parler de la manipulation, ça les rire comme des fous et comme des folles. Ça change des choses quand on découvre qu'on est manipulé, parce que le patron, ben, à un moment donné, vous êtes des êtres humains qui doivent aussi être respectés, mais être respecté, ça ne veut pas dire d'être orgueilleux. On n'a pas besoin de fierté, on n'a pas besoin d'orgueil, on a besoin d'être intelligent. Quand quelqu'un vous pile ses pieds, c'est intelligent, non. Il va piler ses pieds après, c'est pas plus intelligent non plus. L'être humain ne se laisse pas piler ses pieds, il s'organise simplement. C'est dans une situation où tout le monde pile ses pieds, ben, il déménage. Là, il se lance en politique, puis il change tout, mais il fait quelque chose. Il bûche pas ses humains. Aimer librement, c'est facile. Puis maudit que c'est le fun d'aimer quand on est plus pogné d'aimer. Tu t'en vas, puis il y a quelqu'un qui a un problème. T'as pas besoin de l'aimer émotivement pour aller l'aider. Faut comprendre la mécanique des choses. Puis c'est évident qu'on va aller l'aider. Si on est libre d'aimer. Vous savez qu'on s'aime aussi très croche. On aime notre personnalité. On s'aime pour ce qu'on se représente. À un moment donné, j'ai ramassé un clochard sur une rue. Il était couché à terre. C'est l'hiver. Je le ramasse, je le lève. Puis le gars était juste assez lucide, disons, pour me dire où ce qu'il restait. Il me donne un nom de rue que je connais pas. Fait que je marche un peu avec. Tous les passants que je vais accrocher pour leur demander si la rue existe, ben ils me prennent pour un clochard comme l'autre. Hein? Puis il n'y a pas un qui me répond. Ça va tout de même. Lui, il parle comme ça, mais moi, je parle de même. Rien à faire. Il faut nous aimer. On est des Vedilocs. L'amour intelligent, c'est quoi? Ben, t'arrêtes. La rue, oui, c'est besoin d'aide. Et j'ai pas le temps. Je peux pas. Mais, il y a besoin d'aide, là. C'est ça, être intelligent. On aime comme ça. La société est moussement plus belle à vie. Il y en a qui vont dire, ouais, mais tout le monde changera pas du jour au lendemain. L'évolution, ça se fait individuellement. On n'attend pas que tout le monde soit mieux pour être mieux. Vu que tout le monde attend, on reste comme on est. J'ai amené le gars jusque chez lui, puis le gars qui l'habitait était pas un clochard. Le gars, il dit, ça se peut pas. Je dis quoi? Ben, que quelqu'un, qu'une personne le ramasse puis l'amène. D'où la police qui l'amène? Ben, je dis, ça se peut pas. Il rentre là, puis il rechauffe là, puis il m'en va, c'est tout. Tu veux-tu une bière? Non, j'ai pas de bière. Il y a beaucoup d'individus, imaginez-vous, que quand on les aide, qu'ils veulent nous récompenser. Ça n'a pas de sens. J'ai ramassé une dame qui s'est fait renverser par un bicycle. Je l'amène dans mon char jusqu'à l'hôpital, rendu là, à fouiller dans sa sacoche, me donner 5$. Tabarnouche! Le danger, quand on agit comme ça, m'a prendre de 5$. La prochaine fois, m'aura besoin encore d'un 5$. Sinon, m'a trouvé qu'il y en a qui sont trop de cul en tabarnouche. Ben, j'ai dit, non, tabarnouche! La prochaine fois, vous verrez quelqu'un qui est sur le cul, ramassez-le donc, gardez-le dans votre 5$, ça plaît. Vous savez, on a peur quand on change les choses. Quand on commence à faire une transition, une conscientisation des certains phénomènes, on a peur. Parce qu'on se dit, ouais, mais, tu sais, tout le monde marcherait de même. Faites-vous en pas, tout le monde marche pas de même. Puis on devient intelligent à un moment donné, puis quand on est suffisamment intelligent, il n'y a plus aucun problème. On est suffisamment intelligent pour avoir pensé que vous auriez tenté des questions posées ou des commentaires. On a amené des petits papiers, c'est écrit dessus pour vos questions. On a mis des crayons. C'est extrêmement plus fonctionnel si on écrit les questions. Et puis, je vais avoir quelqu'un qui va me les lire et puis on va répondre aux questions. On va faire une petite pause. Pour ceux qui sont intéressés, premièrement, j'ai écrit un livre qui, justement, traite un peu de ces choses-là. Il est en vente ici, de toute façon, dans les librairies. On en a ici des exemplaires. Si ceux que ça intéresse, ben, ceux qui veulent aussi que je les dédicace, il n'y a aucun problème. Vous avez reçu une liste de cassettes. On a quelques-unes de ces cassettes-là ici. Vous fouillez, puis s'il y a des choses qui vous intéressent, il n'y a aucun problème. En passant, ce qui est intéressant, c'est que vous posez des questions sur n'importe quoi, que c'est l'attrait au sujet de la conférence ou non, histoire qu'on puisse faire un peu plus ample connaissance. Alors, on va faire une petite pause, café, cigarette, pipi, lolo. Question. On fume pas dans le gymnase, il y a des enfants qui vont rentrer ici lundi, puis ce serait correct, ça sente pas trop, il y a les toilettes, puis vous voulez fumer. Pause de 20 minutes.